France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Je voudrais m'élever comme les nuages naturels que je vois chaque jour monter de ma fenêtre le long des monts du Vivarais. En somme, tu veux devenir nuage? Mais oui, et pourquoi pas? Voyage par temps de crise. L'hypothèse du ballon? J'ai mis au point le moyen de locomotion idéal, le ballon, à la fois ascensionnel, descensionnel et directionnel. Et ceci en n'utilisant que des éléments naturels. Je dis bien des éléments naturels. L'air qui nous entoure est aspiré. Cette machine en réduit la densité. L'air allégé pénètre dans le ballon qui monte. Pour descendre, il suffira de relâcher une partie de l'air dilaté. Pour gonfler le ballon, c'est très simple. C'est enfantin. Attention, ce n'est pas tout. Et j'insiste sur ce point. L'air, en s'échappant des tromblons, produit un phénomène de poussée. Il suffit alors d'en régler le débit pour se diriger. Si j'ouvre à droite, je vais à gauche. Par contre, si j'ouvre au nord, je vais au sud. Oui. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Bon, la difficulté avec le ballon, c'est de garder le contrôle de son chemin, mais le professeur ici, imaginé par le merveilleux cinéaste Albert Lamoris, supposait la question résolue. Alors, acceptons-en l'augure. Une chercheuse du centre Alexandre Coiré, qui travaille aussi à la Maison française d'Oxford, en la personne de Marie Thébault-Sorguer. Bonjour. Bonjour. Le premier voyage de la France à l'Angleterre, au-dessus de la Manche, ballon. De la France à l'Angleterre, il a échoué. C'était réussi. En juillet 1785. Ça s'est terminé 1785, par un accident catastrophique. Par le premier mort, en fait, de l'aérostation qui était Pilâtre de Rosiers. En revanche, les vents sont beaucoup plus favorables pour franchir la Manche de l'Angleterre. Donc ce que vous avez fait hier. Ce que j'ai fait hier, hein, dans mon ballon. Et donc le voyage de Blanchard a eu lieu, lui, en janvier 1785. Et ça a été une réussite. Donc le premier franchissement, en fait, de la Manche par voie aérienne, ça a été Blériot. Et ça a été un vrai choc pour les Anglais. Oui. Les Anglais, vous connaissez le quatrain. Nation sérieuse ont l'empire des mers. Les Français, nation légère, eh ben ils ont le contrôle du progrès dans le ciel. Alors vous avez publié un très intéressant ouvrage aux Presses universitaires de Rennes sur l'histoire de l'aérostation et aux éditions du Patrimoine, une histoire des ballons. Une des origines de l'aérostation, bien sûr, c'est la mieux documentée, c'est celle des frères Montgolfier, papetier dans la région de Lyon, au sud de Lyon, à Annonay, 1783. 1783, oui, les premières expériences. Juin 1783, sur la place publique d'Annonay, première expérience publique, alors que les États du pays du Languedoc, où ils sont réunis, donc c'est une assemblée politique, cette expérience frappe la foule assemblée et remonte jusqu'aux oreilles des Parisiens de l'Académie des sciences et va enclencher le véritable phénomène qui va s'emparer de la France puis de l'Europe. Oui, parce que vous êtes une balloniste spécialiste des ballons, mais une ballomaniaque spécialiste de la ballomanie qui s'est emparée de la France cette date. Août 83, donc c'est le champ de Mars, et puis septembre 1983, ça provoque un peu le même étonnement que la présence d'une petite chienne russe dans un satellite au temps de Khrouchtchev. Le vendredi 19 septembre 1783, je me trouve devant le château de Versailles au milieu de la cour des ministres. les premiers passagers aériens de l'histoire sont un mouton, un coq et un canard. Je les vois d'ici. Ils ont l'air un peu étonnés de se trouver là, mais pas le moins du monde inquiets. En effet, ils ne savent pas ce qui les attend. Pourquoi ces animaux ? Parce que pour la première fois, des êtres vivants partiront dans les airs. Monsieur de Montgolfier, je ne vous cache pas que nous sommes perplexes. Vous souhaitez toujours que la prochaine fois, votre montgolfière emporte un homme avec elle. Plus que jamais, monsieur. Vous avez pu constater que les animaux qui se trouvaient sous le ballon se portaient fort bien à leur arrivée au sol. Et le coq avait une aile écorchée. Pas du fait du voyage. C'est le mouton qui l'a mordu après l'atterrissage. Plusieurs témoins ont assisté à la scène. Soit. En toute conscience, vous pensez pouvoir faire voler un passager sans danger pour son existence? J'en suis tellement convaincu que je me propose d'être un des deux passagers. Et quel sera l'autre? Le chevalier Pilâtre de Rosier, apothicaire principal de son Altesse le Prince de Limbourg. Pilâtre de Rosier, déjà cité par vous, Marie Thébault Sorguer. C'est une reconstitution d'un dialogue qui aurait pu se produire, une reconstitution par Jean-Jacques Vierne à France Culture. Oui, les animaux pionniers, comme la chienne de Monsieur K. Exactement, oui. Donc ce canard, ce mouton et ce coq, ce mouton qui a d'ailleurs été... paraît-il, baptisé Montociel et qui aurait fini ses jours à la ménagerie de la Reine, il aurait été épargné. Mais le premier volume va arriver donc très vite, dès le 21 novembre 1783, et avec dans un ballon à air chaud, donc avec Pilâtre de Rosier et le marquis d'Arlande, et le 1er décembre 1783, c'est au tour du physicien Jacques-Alexandre César Charles et des frères Robert. Alors, et... Montgolfier Charles. Alors, il y a des montgolfistes et des charlistes. Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette invention, dans son principe, en fait, se décline immédiatement sous la forme de deux procédés, si je peux me permettre d'être très rapidement technique. Vous êtes une historienne des techniques. Des techniques, voilà. Nous sommes le public de la technique. Exactement. Donc, tel qu'il a été rappelé dans le tout premier extrait que l'on a entendu, c'est donc l'excès de légèreté qui fait monter, selon le principe d'Archimède, une enveloppe rempli d'un air plus léger que l'air, mais quel est cet air? Et effectivement, les frères Montgolfier pensent essayer de mettre un air plus léger que l'air qui serait de l'air inflammable, notre actuel hydrogène, mais n'y parvenant pas, pour des raisons aussi techniques, pensent à produire un air raréfié par la chaleur. Ceci étant, l'idée de pouvoir remplir une enveloppe d'hydrogène est expérimentée et est testée avec succès par un professeur de physique qui a pignon sur rue à Paris, Jacques-Alexandre César Charles, voilà, et qui réussit les premiers essais et une sorte de compétition. C'est une invention dont les informations, les essais, les attentes, enfin, se déroule véritablement en place publique, inonde les journaux, les périodiques, les images. En place publique, mais pas seulement à Paris et à Versailles, parce que l'intérêt de votre travail, c'est aussi de montrer ce qui s'est passé à Dijon, avec l'Académie, à Strasbourg, à la charnière du monde allemand, à Chambéry. On a consacré cette semaine une émission à Xavier de Maistre qui a fait un voyage en ballon auquel vous accordez la plus grande importance d'ailleurs. Effectivement, cela devient une invention partagée. Pour quelle raison? Bien tout simplement parce que on parvient à soulever des machines, on parvient à soulever des hommes dans les airs, on parvient à parcourir des distances de manière horizontale, mais il reste beaucoup de points d'achoppement. L'aérostation ouvre en fait un champ prospectif immense, et dans ce siècle en fait marqué aussi par la participation des amateurs de science et par toute une une série de désirs, de progrès, de nombreux acteurs vont tenter de reproduire les vols et également d'apporter des améliorations. Par exemple, l'Académie de Lyon, en décembre 83, ouvre un grand concours pour la direction des aérostats, avec l'idée de pouvoir conduire et diriger à volonté les machines aérostatiques dans toutes les directions. Concours qui, évidemment, ne sera pas couronné par la découverte d'un principe effectif, mais qui recevra plus d'une centaine de mémoires. Et donc, ce sont plusieurs centaines de propositions. On a du mal à imaginer que le contrôle n'est pas possible, quoi. D'une certaine façon, c'est une sorte de paradoxe. À partir du moment où l'on s'arrache à la pesanteur, tout paraît possible. Ce qui paraissait impossible l'année d'avant devient possible. Cette conquête, véritablement, de la dimension verticale, décloisonne, bouleverse l'idée même des possibles. Et donc, l'idée que la direction horizontale serait à portée de main, à partir du moment où le ballon serait comme un vaisseau posé en équilibre dans le ciel, on devrait pouvoir lui attribuer... La vieille maréchale de Villeroy s'exclame, mais bientôt, parce qu'il y a beaucoup d'espérances qui sont attachées au premier vol, on va découvrir le secret de ne plus mourir, mais moi, je serai déjà morte. On n'a jamais découvert le secret du contrôle, il faut quand même le dire. Et vous parliez des accidents, donc le premier c'est 1785. 1785, le premier accident mortel, parce que effectivement, oui, il y a beaucoup d'aléas, d'anecdotes qui nourrissent en fait aussi l'intérêt pour et la curiosité pour cette découverte, avec une machine qui est une aéromontgolfière et qui combinait à la fois de l'air chaud et de l'hydrogène, ce qui était sans doute l'une des raisons de l'explosion qui a précipité la chute. Je ne sais pas s'il est recommandé d'allumer son cigare comme le fait ici un aéronaute de l'année 1980 qui s'appelle Olivier Roux de Villa, dans une émission un après-midi de France Culture de Pierre Descargues en 1980 encore. Et puis aujourd'hui, en temps de grève, on rêve du voyage en ballon. Les brûleurs viennent de s'allumer, j'ai fait un bond de 2 mètres en arrière. Ah, c'est une flamme énorme qui entre. Je dois dire qu'il fait très chaud au-dessus. J'ai tendance à me recroqueviller dans la nacelle. Vous voyez, maintenant, nous avons dépassé les cimes. Ce qui est irréel, c'est cette absence de vent. Aucun courant d'air. C'est tout à fait normal, nous sommes dans le vent, nous faisons partie intégrante du vent, donc il n'y a plus aucun vent, nous sommes dans le calme complet. On pourrait allumer une allumette? Absolument, du reste c'est ce que je vais faire, j'ai toujours l'habitude de fumer un petit cigare pendant mon vol. Je ne sais pas si vous fumez. Ma foi. Ah bah tenez, servez-vous. Non, mais excusez, je vais réchauffer parce que nous avons une petite descente là. Alors le problème du pilotage en montgolfière est un peu spécial car la réaction du ballon se fait environ 20 à 30 secondes après le temps de chauffe. C'est-à-dire lorsqu'on chauffe le ballon, vous voyez, j'ai chauffé tout à l'heure, maintenant nous montons. Nous sommes vraiment dans une balançoire en ce moment. Bah oui, dans une immense balançoire. Nous nous balançons maintenant à 50 mètres au-dessus du sol. Alors vous voyez, tout à l'heure nous étions absolument immobiles dans le vent. Maintenant, au contraire, nous avons un certain mouvement. Voilà, alors nous allons essayer de nous poser juste après, ici. Attendez, pardon. Voilà, voilà. Nous descendons tout doucement, attention, tout doucement. Nous allons rebondir. Attention au choc. Oh, très, très peu, vraiment. Voilà, nous sommes maintenant traînés un tout petit peu, sur 2-3 mètres. C'est fini. Retrouving de ballon absorbant. Est-ce que tu peux venir, Pascal? Est-ce que tu penses que tu peux venir jusqu'au ballon? On va essayer, on arrive. Hein. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Et voilà le ballon ventre à terre après avoir volé grand train. Nous sommes toujours avec Marie Thébault-Sorguer. On parle de l'hypothèse du voyage en ballon par temps de grève. Un instant quand même pourrait être consacré à la manière dont les premiers aéronautes regardaient le sol. Je ne sais pas s'ils avaient beaucoup d'instruments de mesure, de lunettes, dans leur nacelle. Est-ce que la cartographie en a été transformée ? Alors, c'est intéressant parce que c'est un cas, en fait, où la pratique, la possibilité de la vue directe ne produit pas immédiatement des représentations. Et l'une des hypothèses en est la grande difficulté pour les aéronautes à pouvoir percevoir, à pouvoir se saisir de ce qu'ils perçoivent, c'est-à-dire... D'une part, la mobilité et la rapidité du déplacement dans le vol libre et la rapidité du changement d'échelle bouleverse complètement la perception et introduit énormément de confusion. On ne sait plus distinguer entre un village et une ville, on ne sait plus distinguer entre un ruisseau et une rivière. Les textures aussi, les bois, les champs, tout peut, selon l'élévation, l'altitude, peuvent sembler aplanis. Donc il y a cette difficulté à pouvoir se repérer et aussi cette expérience sensible, physique, d'être saisie en fait par le voyage lui-même, par l'ensemble des sensations très contrastées. Charles le dit très bien dans son premier vol, passer d'un coup de l'hiver au printemps, ou voir la nuit se coucher deux fois, et cette sensation de vivre des choses hors du commun qui vous saisit, c'est le regard, on est complètement tourné. Boulet. Mais en 1857, Roger Grives va nous raconter ici comment l'entrée de Nadar sur la scène de l'aérostation transforme encore le regard. Nadar monte en ballon. Je crois que c'est en 1857 que Nadar a fait sa première ascension en ballon. Oui. Vous avez raison, tout à fait par hasard, il se trouvait à l'hippodrome où on faisait des ascensions en ballon. Lorsque un des aéronautes est venu le chercher pour qu'il monte avec eux, il a tout de suite vu qu'il y avait une émotion là à capter, qu'on n'avait jamais vu la Terre d'en haut, et que lui, Nadar, avait tout ce qu'il fallait pour offrir à l'humanité une nouvelle vision des choses. Alors Nadar va lui-même se lancer dans l'industrie de la fabrication du ballon, le géant, ça va lui coûter cher. Il va participer à la constitution de sociétés, de revues. Jules Verne a été influencé d'ailleurs par son personnage. 1863, c'est le premier grand roman de Jules Verne qui traite du sujet. 5 semaines en ballon, le docteur Ferguson et ses 2 comparses imaginent de partir de Zanzibar pour survoler l'Afrique. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste dans la deuxième moitié du 19e, après un abandon des expériences scientifiques, qui avait été très important dans un premier moment, à un renouveau à la fois du vol libre, à la fois dans la pratique, dans les expériences, et à la fois dans l'imaginaire. Et ce que met Jules Verne en scène, c'est l'utilité en fait du ballon dans une exploration scientifique. Mais il construit sa narration vraiment sur une technologie du siècle passé. Et les aléas, l'effet de réel, en fait, est produit par les problèmes techniques tels qu'on les connaît de la machine. Et d'une certaine façon, crée le rythme de la narration. Et il va évoluer progressivement aussi. Mais on reste un instant encore sur 5 semaines en ballon avec ce dialogue qui est assez significatif de la difficulté de contrôler, justement. Mmh. Allez, encore une dizaine de jours, docteur Ferguson, et nous serons arrivés, disent les 2 comparses. Où ? Demande Ferguson. Eh ben, je n'en sais rien. Et est-ce que ça nous importe ? Tu as raison, fions-nous à la providence du soin de nous diriger. L'incertitude. Mais quand même, peu à peu, l'idée de contrôle va devenir de plus en plus forte, parce que vous parliez d'évolution de Jules Verne. Nous sommes ici 10 ans après 5 semaines en ballon, et avec Phileas Fogg, nous sommes en 1873, on va reconnaître la situation. Annulez les billets, Passepartout. Ils ne servent plus à rien, nous ne prendrons pas le train. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Un accident ? Non, des éboulis de rochers ont obstrué un tunnel. Aucun train ne circule pour Marseille. Alors, les routes sont bloquées aussi? Qu'allons-nous faire dans ce cas? Je l'ignore, mais je refuse de me laisser décourager dès cette étape. Il y a forcément un autre moyen. Tout au bon. Bien dommage de ne pas être des oiseaux, messieurs. J'ai fait, quant à moi, messieurs, 63 ascensions. Je me suis élevé jusqu'à 1000 mètres sans difficulté. Monsieur, c'est au second aéronaute d'Europe pour la célébrité que vous parlez en ce moment. Où est le premier? Il est indisponible. Nous l'avons porté en terre jeudi. Dites, monsieur, cet appareil est-il alloué par hasard? Si c'est moi qui le manœuvre, oui. Si c'est vous, il est à vendre. Passe-partout, la valise. Oui, monsieur. Je suis prêt à acheter votre ballon, monsieur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 63, 5 semaines en ballon, l'incertitude encore, 73, le tour du monde? On peut imaginer d'aller vers une destination sûre. C'est peut-être passé la guerre de 70. Oui, alors la guerre de 70 a été très importante pour l'épisode des ballons du siège, notamment, non pas forcément avec une machine qu'on pouvait diriger, mais elle a remis sur le devant de la scène l'efficacité de cette technologie. C'est-à-dire qu'on construit 66 ballons entre septembre 70 et janvier 71. Et nos auditeurs qui voient les gares bloquées devraient savoir qu'on les construit où, ces ballons? Alors, à la gare Saint-Lazare, je crois. Et à la gare de Lyon. Et à la gare de Lyon. Ouais, voilà, des gares enfin utilisées convenablement. En utilisant le gaz, enfin, le gaz de ville. Puisque ce ne sont que des ballons à gaz au 19e. Il faut bien préciser. On n'est pas sur les technologies type montgolfière. Et puis on se souvient que le ministre Gambetta est parti en ballon quand la situation est insupportable à Paris. Il reste toujours cette issue. Voilà. Alors ceci rajouté à cet imaginaire qui perdure à travers le grand succès des romans de Jules Verne et des récits aussi d'explorateurs comme Gaston Tissandier ou Camille Flammarion, sont des figures aussi très importantes, vont réactiver cette dimension à la fois politique, patriotique et d'investissement autour de cette nouvelle, du renouveau de la technologie aérienne. Ah, le ballon patriotique. La France, nation légère, sait partir à la conquête de l'air. Le musée de l'air et de l'espace au Bourget. Vous avez beaucoup travaillé au Bourget. Dans les archives, oui, parce qu'ils ont toutes les lettres des frères Montgolfier et ils ont des archives magnifiques. Ils conservent beaucoup d'objets liés à l'aérostation. Oui. Très bel endroit. Et puis nous explique Marie-Laure Griffaton la nacelle d'un dirigeable français au nom absolument incomparable et qui date de 1884. On voit donc devant nous la nacelle du dirigeable La France, qui est un objet tout à fait extraordinaire puisqu'il s'agit du premier aéronef véritablement dirigeable au monde. Et l'ensemble du ballon, le ballon lui-même faisait 52 mètres de long et 8 mètres de diamètre. Donc c'est quelque chose de tout à fait monumental. Pour la première fois au monde, la France a pu être véritablement maîtrisée puisque il est parti, cette nacelle et ce dirigeable sont partis de Chalais-Meudon. Ils ont fait un circuit de 8 km et ont pu rejoindre Chalais-Meudon après être passés près de Villacoublay. Donc c'est le premier circuit fermé et c'était tout à fait une première à l'époque au monde. Ça a ouvert une voie à d'autres dirigeables et puis plus tard évidemment des dirigeables comme le Zeppelin, etc. En fait c'était des premiers tests si on peut dire, mais une première expérience tout à fait marquante pour l'histoire de l'aéronautique. Interview de Franck Olivard, sur la page duquel, elle est sur le site de France Inter, un lieu, une histoire, on peut trouver toute une documentation écrite et illustrée concernant le musée de l'air et de l'espace. Ah, la France, la France. Oui. Mais quand même, Zeppelin, là, qui est évoqué, c'est pas un nom français? Non, le comte de Zeppelin, non, c'était effectivement de la même manière une entreprise donc qui travaillait pour la défense nationale en Allemagne. Mais effectivement, on voit un investissement militaire, mais aussi un investissement civil dans cette nouvelle technologie du dirigeable qui, il faut le rappeler, se déroule en même temps aussi que tout un ensemble d'autres motorisations. Hein. Ce sont aussi les débuts après de début de l'automobile, le contexte des circuits, des grandes compétitions sportives, des grands prix qui sont lancés. C'est d'ailleurs en réponse à ces compétitions qu'aura lieu bien plus impressionnant d'ailleurs que la boucle de Krebs et Renard, le premier circuit autour de la Tour Eiffel. En dirigeable dans sa demoiselle réalisée par Santos Dumont, et donc il y a la possibilité progressivement de pouvoir à la fois rassembler les attentes des publics, les ingénieurs, les sociétés promouvant la navigation aérienne et les intérêts des gouvernements sur un fond de compétition très fort au tournant de la Belle Époque. Bon, la société Zeppelin est nationalisée par les nazis. En 1937, le navire amiral, le dirigeable amiral, prend feu à l'issue d'un voyage de l'Allemagne aux États-Unis. C'était au sud de l'État du New Jersey. C'est drôle parce que le Zeppelin, ça reste une mythologie, puisque il y a peu d'années, depuis Pontoise et non pas depuis Le Bourget, imaginé de faire fonctionner une petite compagnie à destination touristique, une petite compagnie de Zeppelin. On pourrait croire à une image d'archive, et pourtant nous sommes bien en 2013. Voici le Zeppelin NT, un dirigeable allemand nouvelle technologie. Ici de la Défense, la Tour Eiffel, et même le Montparnasse. Calme et lenteur, à 300 mètres d'altitude en moyenne. Le deuxième avantage, c'est son autonomie. 20 heures en moyenne, sans vibration et presque sans bruit, ce qui permet de l'équiper de matériel scientifique. Le Zeppelin est alors tout indiqué pour des missions d'études et d'observation. Mais les contraintes sont nombreuses. Hormis un coût d'exploitation élevé et une infrastructure lourde, le souci majeur, c'est la météo. Impossible de voler s'il y a trop de vent. Je pense que la première application, la plus évidente, en tout cas dans les 5-10 prochaines années, ce serait le transport de fret en dirigeable. Encore faut-il concevoir de plus gros porteurs techniquement viables. Car on est encore loin de pouvoir transporter plusieurs tonnes de conteneurs en ballon. Ni non plus beaucoup de passagers, puis c'est légèrement encombrant, vous voyez. Oui. Le stockage n'est pas facile. Alors, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, ce sont quand même des objets de pointe hein, qui demandent vraiment de pouvoir maîtriser un ensemble en fait de dispositifs extrêmement nouveaux. En même temps, il y a toujours cette espèce de rêve de pouvoir échapper aux contraintes terrestres, à la congestion urbaine, le trafic. Et il est donc intéressant de voir que perdure, résiste en fait autour de ces objets aériens cette tension entre ce désir de pouvoir s'affranchir des contraintes terrestres. Ouais, dans le ciel du progrès. Voilà. Oui, mais sauf que c'est une économie, ça vous le dites bien. C'est une économie qui doit être fondée sur des valeurs de progrès, mais qui ne sont pas des valeurs monétaires. C'est pas la valeur de l'argent d'abord. Et peut-être que ce que nous dit la persistance de cet objet, y compris dans la culture aujourd'hui, c'est qu'elle nous rappelle que l'on ne peut pas tout maîtriser, que l'on ne peut pas maîtriser les éléments, et qu'elle nous invite aussi à repenser l'aléatoire dans la mobilité, à repenser nos limites aussi sur la maîtrise. Ce que fait par exemple très bien un artiste comme Thomas Saraceno, qui invente des prototypes de ballons aérosolaires aujourd'hui. Qui est un acte à la fois politique, poétique et activiste, pour renouer avec ces dimensions qui sont aussi des dimensions d'harmonie et d'écologie. Merci, vous avez noté Fabrice Drouel chez notre invité Marie Thébault. Sorguer, une histoire des ballons, une histoire de l'aérostation. Au temps des Lumières, cette conclusion écologique. Ah, bien sûr, j'ai noté. Ouais. Ça ne peut pas m'échapper. Notez aussi le générique. Franck Olivard. Rémi Sistiaga, la réalisation Audrey Ripouille.